Les infos juridiques du CIDFF, Centre d'information des femmes et des familles de Nancy. Aujourd'hui, comment se constituer partie civile ? Se constituer partie civile signifie que vous serez partie à la procédure et qu'à ce titre, vous pourrez être informée régulièrement du déroulement de la procédure, exercer si nécessaire les voies de recours contre certaines décisions de justice prises au cours de la procédure, adresser vos observations complémentaires au cours du déroulement de l'information judiciaire et enfin, demander réparation de votre préjudice devant la juridiction de jugement devant laquelle vous serez convoqué. Pour pouvoir se constituer partie civile, l'infraction concernée doit être un crime ou un délit et doit avoir été commise en France. Il vous est recommandé, notamment si vous bénéficiez de l'aide juridictionnelle sous condition de ressources, de vous constituer partie civile le plus tôt possible, dès le dépôt de plainte, afin d'être associé dès le début de la procédure, notamment lors de l'information judiciaire, le cas échéant, et prendre conseil auprès d'un avocat, même si ce n'est pas obligatoire. Vous avez deux possibilités. Vous constituez partie civile au cours de la procédure ou vous portez plainte avec constitution de partie civile. Alors la simple constitution de partie civile, vous pouvez vous y constituer à tout moment de la procédure, jusqu'au jour de l'audience, y compris si vous avez porté plainte sans vous constituer partie civile ou si vous n'avez pas porté plainte et estimez cependant être victime. Vous pouvez vous constituer partie civile, soit avant le procès, soit le jour du procès. Alors quelles sont les démarches ? Avant le procès, en vous présentant au greffe du tribunal qui va juger l'affaire, en envoyant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du tribunal au moins 24 heures avant la date de l'audience avec toutes les précisions utiles, votre identité, la nature de votre préjudice et le montant des dommages-intérêts que vous réclamez. Vous recevrez un avis à victime indiquant la date et l'heure de l'audience. Vous devez vous présenter à l'audience ou vous faire représenter par un avocat ou adresser au greffe du tribunal une demande chiffrée du préjudice subi en joignant tout justificatif. Et si c'est le jour du procès ? Vous pouvez encore vous constituer partie civile en vous y présentant personnellement, seul ou assisté d'un avocat, ou en vous faisant représenter. Vous devrez manifester auprès du greffier du tribunal avant que le procureur de la République ou son représentant ne prenne la parole à l'audience. Enfin, la plainte avec constitution de partie civile. En cas de classement sans suite d'une procédure par le procureur de la République, la victime peut déclencher elle-même l'action pénale en se constituant partie civile. Alors, quelles sont les démarches ? La victime adresse également une lettre recommandée avec accusé de réception au doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'infraction a été commise ou dans celui du domicile de l'auteur, si celui-ci est identifié bien sûr. Dans cette lettre datée et signée, la victime dépose plainte de façon formelle en indiquant expressément qu'elle se constitue partie civile, elle explique les faits et précise de quelle infraction elle a été victime. La plainte est dirigée contre une personne dénommée ou contre une personne inconnue. Plainte contre X. Les pièces justificatives, en copie bien sûr, attestant du préjudice subi et de l'infraction, sont jointes à la lettre. Sauf si vous bénéficiez de l'aide juridictionnelle ou si vous êtes dispensé par le juge compte tenu de vos ressources, une somme d'argent devra être versée au greffe du tribunal. On appelle ça la consignation. Elle vous sera rendue si l'auteur de l'infraction est condamné. C'était les infos juridiques du CIDFF, une chronique proposée par le Centre d'information des femmes et des familles de Nancy, 1 rue du Manège. Pour toute question, téléphonez au 03 83 35 35 87.